Almindelige vendinger. Expression générale. Må jeg præsentere dig for her? Goddag. Permettez-moi de vous présenter à monsieur. Bonjour. Permettez-moi de vous présenter à monsieur. Bonjour. Jeg er så glad for at møde dig. Heureux de faire votre connaissance. Heureux de faire votre connaissance. Far, det her er herr Stones bror. Herr. Papa. Voici le frère de monsieur Dupont. Monsieur. Papa, voici le frère de monsieur Dupont. Monsieur. Jeg tænker tit på dig. Je pense souvent à vous. Je pense souvent à vous. Jeg har hørt så meget om dig. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Jeg håber vi ses igen. J'espère que nous nous reverrons. J'espère que nous nous reverrons. Jeg må desværre fortælle dig at je suis désolé de vous informer que je suis désolé de vous informer que jeg er glad for at kunne fortælle dig at je suis heureux de vous informer que je suis heureux de vous informer que må jeg indbyde dig til? Hvor morsomt. Puis-je vous inviter à quel plaisir? Puis-je vous inviter à quel plaisir? Taler du tysk? Parlez-vous allemand? Parlez-vous allemand? Jeg forstår kun mit modersmål. Je ne comprends que ma langue maternelle. Je ne comprends que ma langue maternelle. Velkommen til os. Jeg er så glad for at du kunne komme. Tu es le bienvenu chez nous. Je suis si heureux que tu aies pu venir. Tu es le bienvenu chez nous. Je suis si heureux que tu aies pu venir. Det var vældig sødt af dig. Jeg sætter stor pris på det. C'est très gentil de ta part. J'apprécie beaucoup C'est très gentil de ta part, j'apprécie beaucoup. Jeg er så taknemmelig for alt du har gjort for mig. Je te suis réellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te suis réellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Vil du være så venlig at... Voudriez-vous être assez gentil pour... Voudriez-vous être assez gentil pour... Har du noget imod at jeg ryger? Cela vous dérange-t-il si je fume? Cela vous dérange-t-il si je fume? Jeg håber ikke, jeg forstyrrer dig. J'espère que je ne vous dérange pas. J'espère que je ne vous dérange pas. Veux-tu faire un service? Veux-tu me rendre un service? Veux-tu me rendre un service? Kan du komme så hurtigt som muligt? Pourriez-vous venir le plus tôt possible? Pourriez-vous venir le plus tôt possible? Tak for en meget hyggelig dag. Merci pour cette belle journée. Merci pour cette belle journée. Hjertelig tak for alt. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour tout. Godmorgen, har du sovet godt? Bonjour. Vous avez bien dormi? Bonjour. Vous avez bien dormi? Godnat og sov godt. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. En glædelig jul og et godt nytår. Un joyeux Noël. Et beaucoup de bonheur pour la nouvelle année. Un joyeux Noël et beaucoup de bonheur pour la nouvelle année. Ønsker jeg dig og din familie. Je te souhaite à toi et à ta famille. Je te souhaite à toi et à ta famille. Glædelig påske. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Tillykke med fødselsdagen, kære du. Bon anniversaire, mon chéri. Bon anniversaire, mon chéri. Jeg hører, at du bliver myndig. J'apprends que tu arrives à ta majorité. J'apprends que tu arrives à ta majorité. Jeg ønsker deg held og lykke. Je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Vi er meget kede af at høre, at du har været syg. Nous avons été désolés d'apprendre que tu étais malade. Nous avons été désolés d'apprendre que tu étais malade. Vi håber at du har det godt igen. Nous espérons que tu vas bien maintenant. Nous espérons que tu vas bien maintenant. Flere almindelige vendinger. Autres expressions générales. Det er en vidunderlig overraskelse. C'est une merveilleuse surprise. C'est une merveilleuse surprise. Det var en sød pige, dreng. C'était une brave fille. Un brave garçon. C'était une brave fille, un brave garçon. Ti stille. Taisez-vous. Taisez-vous. Jeg hører, at du skal giftes. J'apprends que tu te maries. J'apprends que tu te maries. Hvor spændende. Comme c'est passionnant. Comme c'est passionnant. Skal det være kirkebryllup? Est-ce que ce sera un mariage religieux? Est-ce que ce sera un mariage religieux? Må jeg gratulere dig med din meget rare forlovede? Puis-je te féliciter pour ton très gentil fiancé? Puis-je te féliciter pour ton très gentil fiancé? Hvornår venter du familieforøgelse? Quand attendez-vous un agrandissement de la famille? Quand attendez-vous un agrandissement de la famille? Jeg håber at alle dine drømme går i opfyldelse. J'espère que tous tes rêves se réaliseront. J'espère que tous tes rêves se réaliseront. C'est une tragique ulykke. Jeg er så bedrøvet på dine vegne. Quel tragique accident. Je suis désolé pour toi. Quel tragique accident, je suis désolée pour toi. Jeg har den dybeste medfølelse med dig og din familie. Mes profondes sympathies à toi et à ta famille. Mes profondes sympathies à toi et à ta famille. Se hvad jeg har til dig. Regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ce que j'ai pour toi. C'est un scandale. Quel scandale. Quel scandale. Tu burde skamme dig. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Du burde være stolt over ham. Tu devrais être fier de lui. Tu devrais être fier de lui. Hold op med at hyle, skrige, skændes. Cesse de hurler. De pousser des cris, de te disputer. Cesse de hurler, de pousser des cris, de te disputer. Hvad græder du for? Ler du af? Pourquoi pleurez-vous? De quoi riez-vous? Pourquoi pleurez-vous? De quoi riez-vous? Pourquoi es-tu si sourd, vred, rasende på mig? Pourquoi êtes-vous mécontent? Fâché, furieux. Contre moi. Pourquoi êtes-vous mécontent, fâché, furieux contre moi? Gå din vej, rør mig ikke. Partez. Ne me touchez pas. Partez, ne me touchez pas. Vær ikke så uforskammet, så næsvis, så klodset. Tag dig sammen. Ne soyez pas. Impertinent. Insolent. Gauche. Ou maladroit. Remettez-vous. Ne soyez pas impertinent, insolent, gauche ou maladroit. Remettez-vous. Laisse-moi être fred. Laissez-moi seul. S'il vous plaît. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Je ne veux pas avoir affaire avec vous. Je ne veux pas avoir affaire avec vous. Jeg har sandelig fået nok. J'en ai plus qu'il n'en faut. J'en ai plus qu'il n'en faut. Du har ret til at. Du er berettiget til. C'est ton droit de. Tu as droit à. C'est ton droit de. Tu as droit à. Jeg gjorde en fejltagelse. Det er min skyld. J'ai fait une erreur. C'est ma faute. J'ai fait une erreur, c'est ma faute. Jeg må gøre det godt igen. Je devrais te dédommager. Je devrais te dédommager. Du må have lidt tålmodighed. Soyez patient. Avec moi. S'il vous plaît. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Jeg kan forestille mig din vrede, sorg, lettelse, glæde. Je peux imaginer votre colère, tristesse, soulagement. Joie. Je peux imaginer votre colère, tristesse, soulagement, joie. Vil du ikke, så lad være. Prenez-le. Ou laissez-le. Prenez-le ou laissez-le. Sådan er livet. C'est la vie. C'est la vie. Telefon. Au téléphone. Må jeg tale med fru Parker? Puis-je parler à madame Le Gros, s'il vous plaît. Puis-je parler à madame Le Gros, s'il vous plaît? Oh, hallo, Anne. Det er Pamela. Oh, bonjour, Thérèse. C'est Robert. Oh, bonjour Thérèse, c'est Robert. Dag, Pamela, hvordan har du det? Bonjour Robert. Comment vas-tu? Bonjour Robert, comment vas-tu? Jeg er netop blevet rask efter en kraftig forkølelse. Je viens de me rétablir d'un rhume. Je viens de me rétablir d'un rhume. Oh, jeg er ked af, at du har været syg. Oh, je suis désolé que tu aies était malade. Oh, je suis désolée que tu aies été malade. Mais je hope tu as de godt igen. Mais j'espère que tu vas bien. Maintenant. Mais j'espère que tu vas bien maintenant. Oh, jo, tak. Helt godt. Ah oui. Tout à fait bien. Merci. Ah oui, tout à fait bien. Merci. Hvor er det sødt af dig at ringe til mig. Tu es gentil de m'appeler. Tu es gentil de m'appeler. Hvad siger du til at gå ud med mig og få en drink et eller andet sted? Veux-tu sortir? Boire quelque chose avec moi. Veux-tu sortir boire quelque chose avec moi? Det vil jeg meget gerne. Avec plaisir. Avec plaisir. Udmærket, så henter jeg dig klokken 7 i aften. Splendide. Je viendrai te chercher à 7 heures ce soir. Splendide. Je viendrai te chercher à 7 heures ce soir. Det er godt, Pamela. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg virkelig. D'accord. J'attends vraiment avec impatience. D'accord. J'attends vraiment avec impatience. Jeg tager bilen og henter dig klokken 7. Je prendrai la voiture et je serai chez toi à 7 heures. Je prendrai la voiture et je serai chez toi à 7 heures. Farvel, Anne. Au revoir, Thérèse. Au revoir, Thérèse. Jeg skal være parat klokken 7. Farvel så længe. Je serai prête à 7 heures. Au revoir, alors. Je serai prête à 7 heures. Au revoir alors. Telefonkiosk, telefonrør, telefonbog, møntindkast, abonnement. Cabine téléphonique. Récepteur. Bottin. Fente. Abonnement. Cabine téléphonique, récepteur, bottin, fente, abonnement. Tollen. La douane. Hvis du har noget at fortolle. Si vous avez quelque chose à déclarer. Si vous avez quelque chose à déclarer. Skal du standse ved en særlig udgang og betale toldafgifterne? Vous devez aller à une sortie spéciale et payer les droits de douane. Vous devez aller à une sortie spéciale et payer les droits de douane. Hvis ikke, går du igennem den anden udgang, mærket. Si vous n'avez rien à déclarer, vous passez par l'autre sortie, à l'enseigne. Si vous n'avez rien à déclarer, vous passez par l'autre sortie, à l'enseigne. Ingenting at fortælle. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Hallo der. Vi vil gerne kigge i deres bagage. Monsieur. Nous voulons regarder dans vos bagages. S'il vous plaît. Monsieur, nous voulons regarder dans vos bagages, s'il vous plaît. Hvad har? Jeg har ingenting at fortælle. Comment? Je n'ai rien à déclarer. Comment? Je n'ai rien à déclarer. Vil du være så venlig at åbne din kuffert? Eh bien, ouvrez votre valise, s'il vous plaît. Eh bien, ouvrez votre valise, s'il vous plaît. Jeg troede, at når jeg gik igennem denne udgang, havde jeg gjort forståeligt. Je pensais qu'en passant par cette sortie, il était clair. Je pensais qu'en passant par cette sortie, il était clair. At jeg ikke har nogle tolvprælægtige varer. Que je n'avais rien à déclarer. Que je n'avais rien à déclarer. Det er rigtigt, men vi kan ikke altid stole på det. C'est correct, monsieur. Mais nous ne pouvons pas toujours avoir confiance pour cela. C'est correct, monsieur, mais nous ne pouvons pas toujours avoir confiance pour cela. Så vær så venlig at åbne din kuffert og også dine småtasker. Ouvrez vos valises. Je vous en prie. Et les petits sacs aussi. Ouvrez vos valises, je vous en prie, et les petits sacs aussi. Jeg protesterer bestemt mod den måde, jeg bliver behandlet på. Je refuse d'être traité de cette manière. Je refuse d'être traité de cette manière. Hvad gør dig så mistænksom mod mig? Pourquoi me trouvez-vous si suspect? Pourquoi me trouvez-vous si suspect? Det är vår plikt att vara misstänksamma. C'est notre devoir d'être soupçonneux. C'est notre devoir d'être soupçonneux. Och din plikt att acceptera det. Et c'est votre devoir de l'accepter. Et c'est votre devoir de l'accepter. Skynd dig så, jag har travlt. Dépêchez-vous alors. Je suis pressé. Dépêchez-vous alors, je suis pressé. Visste du inte att du kun må införa 200 cigaretter? Ne saviez-vous pas, monsieur, que vous avez seulement le droit d'avoir 200 cigarettes? Ne saviez-vous pas, monsieur, que vous avez seulement le droit d'avoir 200 cigarettes? Jag har funnit dubbelt så många i denna taske. J'en ai trouvé le double dans ce sac. J'en ai trouvé le double dans ce sac. Jo, min son est over 15. Mon fils a plus de 15 ans. Mon fils a plus de 15 ans. Og vi har købt disse cigaretter sammen. Et nous avons acheté ces cigarettes ensemble. Et nous avons acheté ces cigarettes ensemble. Så må vi vente til din søn dukker op. Nous n'avons qu'à attendre que votre fils vienne. Nous n'avons qu'à attendre que votre fils vienne. Kom hier hen, Michael, og vis tolleren dit pas. Viens, Michel. Montre ton passeport à l'officier. Viens, Michel, montre ton passeport à l'officier. Hun tror jeg tænker snyde hende. Elle croit que je veux la tromper. Elle croit que je veux la tromper. Undskyld, men man kan jo aldrig være sikker, vel? Je suis désolé, monsieur. Mais on ne sait jamais. Je suis désolé, monsieur, mais on ne sait jamais. Svindlere ser ud som bankfolk, og omvendt. Les escrocs ont l'air d'être des employés de banque. et vice-versa. Les escrocs ont l'air d'être des employés de banque et vice-versa. Godt, kan vi gå nu? D'accord. On peut partir? D'accord. On peut partir? Ja visst, og have et behageligt ophold i vort land. Oui, monsieur. Je vous souhaite un séjour agréable dans notre pays. Oui, monsieur, je vous souhaite un séjour agréable dans notre pays. Tak, jeg håber du fanger en storsmugler næste gang. Merci. J'espère que vous trouverez quelques grands contrebandiers la prochaine fois. Merci. J'espère que vous trouverez quelques grands contrebandiers la prochaine fois. Så dit arbejde bliver meningsfuldt. Pour rendre votre occupation utile. Pour rendre votre occupation utile. Tollavgift, bøder, strafbar. Droit de douane. Amende. Punissable. Droit de douane, amende, punissable. Tollkontor, grænse, spiritus, parfume. Bureau de douane, frontière, alcool, parfum. Bureau de douane, frontière, alcool, parfum. Registrering. Enregistrement au commissariat de police. Jeg skal være her i landet i et år. Je vais rester un an dans ce pays. Je vais rester un an dans ce pays. Og jeg forstår, at jeg skal registreres. Et je comprends que je dois me faire enregistrer. Et je comprends que je dois me faire enregistrer. Ja, har du arbejdstilladelse? Oui. Avez-vous un permis de travail? Oui, avez-vous un permis de travail? Ja, min arbejdsgiver har ordnet det. Oui, mon employeur a arrangé cela. Oui, mon employeur a arrangé cela. Godt, vær så venlig at give mig den sammen med dit pas. Bien. Donnez-le-moi. Avec votre passeport. S'il vous plaît. Bien, donnez-le-moi avec votre passeport, s'il vous plaît. Her din registreringspapir. Voici votre permis de séjour. Voici votre permis de séjour. Må jeg få din adresse her i landet? Maintenant, je veux votre adresse ici, s'il vous plaît. Maintenant, je veux votre adresse ici, s'il vous plaît. Har du to billeder til registreringsformularerne? Avez-vous amené deux photos pour le permis de séjour? Avez-vous amené deux photos pour le permis de séjour? Nej, det vidste jeg ikke. Non, je ne le savais pas. Non, je ne le savais pas. Så beholder jeg dem for øjeblikket. Alors, nous gardons ceci. Alors, nous gardons ceci. Og du må komme tilbage med to billeder og registreringsafgiften. Et revenez avec deux photos et l'argent nécessaire à l'enregistrement. Et revenez avec deux photos et l'argent nécessaire à l'enregistrement. Logis. Logement. Jeg er studerende og ville gerne. Je suis étudiant. Et je voudrais partager. Je suis étudiant et je voudrais partager dele værelse med en anden studerende, hvis det er muligt. Une chambre avec un autre étudiant. Si c'est possible. Une chambre avec un autre étudiant, si c'est possible. Godt, jeg skal give dig en liste med adresser. Oui, je vous donne une liste avec des adresses. Oui, je vous donne une liste avec des adresses. Og de tager imod udenlandske studerende som lejere. Où on accepte des étudiants étrangers comme locataires. Où on accepte des étudiants étrangers comme locataires. Hvor meget skal jeg betale for at dele et værelse? Combien dois-je payer pour une chambre partagée? Combien dois-je payer pour une chambre partagée? Du skal betale om ugen. Vous payez par semaine. Vous payez par semaine. Denne værtinde ser rar ud. Ce propriétaire semble très aimable. Ce propriétaire semble très aimable. Kan jeg få lov til at kigge på det ledige værelse? Puis-je voir la chambre à louer? S'il vous plaît. Puis-je voir la chambre à louer, s'il vous plaît? Det her er et dobbeltværelse. C'est une chambre pour deux personnes. C'est une chambre pour deux personnes. Indgår varmen i lejen? Le chauffage est-il compris dans le prix? Le chauffage est-il compris dans le prix? Est-ce possible de faire morgenmad hver morgen? Sera-t-il possible d'avoir le petit déjeuner le matin? Sera-t-il possible d'avoir le petit déjeuner le matin? Ja, brød med marmelade og kaffe. Oui, du pain avec de la confiture et du café. Oui, du pain avec de la confiture et du café. Betaler jeg ekstra for rengøring? Dois-je payer en plus pour le ménage? Dois-je payer en plus pour le ménage? Eller skal jeg selv gøre værelset rent? Ou dois-je le faire moi-même? Ou dois-je le faire moi-même? Hvordan er det med vask? Et quand à la lessive? Et quant à la lessive? Er det tilladt at lave en kop te på værelset? Est-il permis de préparer une tasse de thé dans la chambre? Est-il permis de préparer une tasse de thé dans la chambre? Må jeg bruge telefonen, hvis det er nødvendigt? Puis-je employer le téléphone si j'en ai besoin? Puis-je employer le téléphone si j'en ai besoin? Må jeg bade hver dag? Puis-je prendre un bain chaque jour? Puis-je prendre un bain chaque jour? Skal jeg selv medbringe mit eget sengetøj? Dois-je amener mon propre linge Dois-je amener mon propre linge? Kan jeg få et ekstra tæppe? Puis-je avoir une couverture? Supplémentaire. Puis-je avoir une couverture supplémentaire? Har du noget imod at jeg inviterer nogle venner? Permettez-vous que j'invite quelques amis? Permettez-vous que j'invite quelques amis? Betaler jeg værelset i forskud? Dois-je payer pour la chambre à l'avance? Dois-je payer pour la chambre à l'avance? Kan jeg tage imod telefonsamtaler? Puis-je recevoir des coups de téléphone? Puis-je recevoir des coups de téléphone? Leje, lejekontrakt, lejlighed. Location. Bail. Appartement. Location. Bail, appartement. Udlejningsværelse, husvært, huslejetilskud. Appartement. Propriétaire. Loyer. Appartement, propriétaire, loyer. At søge arbejde. À la recherche d'un emploi. Har du nogle referencer? Avez-vous des références? Avez-vous des références? Har du tidligere arbejdet her i landet? Avez-vous travaillé dans notre pays? Auparavant. Avez-vous travaillé dans notre pays auparavant? Ja, for 2 år siden. Oui, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Blev du længe? Êtes-vous resté longtemps? Êtes-vous resté longtemps? Nej, kun nogle måneder. Non, seulement 2 mois. Non, seulement 2 mois. Hvorfor så kort tid? Pourquoi avez-vous quitté si rapidement? Pourquoi avez-vous quitté si rapidement? Fordi jeg fik tilbudt et bedre arbejde i mit hjemland. Parce que l'on m'a offert un meilleur emploi dans mon pays. Parce que l'on m'a offert un meilleur emploi dans mon pays. Må jeg se anbefalingerne fra din forrige arbejdsgiver? Puis-je voir les recommandations de votre employeur précédent. Puis-je voir les recommandations de votre employeur précédent? Desværre har jeg ikke fået nogen. Malheureusement, je n'en ai pas. Malheureusement, je n'en ai pas. Men de kan kontakte fru, hvis de vil. Mais vous pouvez demander à madame si vous voulez. Mais vous pouvez demander à madame si vous voulez. Hvor meget forventer du i løn? Combien demandez-vous de salaire? Combien demandez-vous de salaire? Ja, jeg var ikke særlig godt betalt på mig forrige arbejde. Eh bien, je n'étais pas très bien payé chez. Eh bien, je n'étais pas très bien payé chez. Mais jeg vil gerne have i løn. Mais je voudrais avoir de salaire. Mais je voudrais avoir de salaire. Oh, det tror jeg ikke vi kan klare. Oh, je ne crois pas pouvoir vous le donner. Oh, je ne crois pas pouvoir vous le donner. Mais je kan måske strække mig til. Mais je peux aller jusqu'à. Mais je peux aller jusqu'à. Men det er slet ikke nok. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Jeg kan desværre ikke betale mere. Malheureusement, je ne peux payer davantage. Malheureusement, je ne peux payer davantage. Arbejder jeg også om lørdagen? Est-ce que je travaillerai le samedi aussi? Est-ce que je travaillerai le samedi aussi? Ja, hver anden uge, men så har du fri onsdagen efter. Oui. Toutes les deux semaines. Mais vous serez alors libre le mercredi suivant. Oui, toutes les deux semaines, mais vous serez alors libre le mercredi suivant. Hvornår kan du begynde at arbejde her? Quand pouvez-vous commencer chez nous? Quand Pouvez-vous commencer chez nous? Jeg har 2 måneders opsigelsestid. J'ai un préavis de 2 mois. J'ai un préavis de 2 mois. Så siger vi i dag om 2 måneder, og så er du velkommen. Disons alors, dans 2 mois aujourd'hui. Et soyez la bienvenue. Chez nous. Disons alors dans 2 mois aujourd'hui et soyez la bienvenue chez nous. Chef, ansat, løn, arbejdsvilkår, sygdomsfravær. Chef, patron. Employé. Salaire. Conditions de travail. Absence pour maladie. Chef, patron, employé, salaire, conditions de travail, absence pour maladie. Rejse i almindelighed. Voyager en général. Hvornår rejser du til? Jeg rejser i morgen. Quand partirez-vous? Pour? Je pars demain. Quand partirez-vous pour? Je pars demain. Jeg rejser til Hamburg næste onsdag. J'irai à Hambourg mercredi prochain. J'irai à Hambourg mercredi prochain. Hvor længe skal jeg være der? Combien de temps allez-vous y rester? Combien de temps allez-vous y rester? Vi bliver i nogle uger. Nous allons rester quelques semaines. Nous allons rester quelques semaines. Jeg var der 14 dage sidste år. J'y ai passé une quinzaine de jours l'année dernière. J'y ai passé une quinzaine de jours l'année dernière. Jeg har aldrig været udenlands. Je n'ai jamais été à l'étranger. Je n'ai jamais été à l'étranger. Jeg har boet i 6 måneder. J'ai vécu dans 6 mois. J'ai vécu dans 6 mois. Der 2 timers rejse mellem og. Le voyage entre et prend 2 heures. Le voyage entre et prend 2 heures. Vi havde en hård tur over Nordsøen. Notre traversée de la mer du Nord fut très pénible. Notre traversée de la mer du Nord fut très pénible. Hvor skal du til? Quel est votre destination? Quelle est votre destination? Jeg skal på forretningsrejse til Frankrig. Je serai en France en voyage d'affaires. Je serai en France en voyage d'affaires. Skal du køre med bil eller tog? Tu pars en voiture ou par le train? Tu pars en voiture ou par le train? Jeg kører med bus. Tunnelbane. J'irai en bus. Je prendrai le métro. J'irai en bus, je prendrai le métro. Jeg rejser gerne på første klasse. Je veux voyager en première classe. Je veux voyager en première classe. Tager du samme vej i begge retninger? Est-ce que tu prendras le même chemin au retour? Est-ce que tu prendras le même chemin au retour? Vejen er meget fine. Jeg skal rejse til i morgen. Les routes sont très bonnes. Demain, je pars en voyage pour. Les routes sont très bonnes. Demain, je pars en voyage pour. Jeg skal rejse over Atlanten i sommer. Je vais traverser l'Atlantique cet été. Je vais traverser l'Atlantique cet été. Jeg kommer til at rejse gennem flere store byer. Je vais passer par plusieurs grandes villes. Je vais passer par plusieurs grandes villes. Hvornår starter du din rejse? Quand commencez-vous votre voyage? Quand commencez-vous votre voyage? Hvornår kommer du tilbage igen? Quand serez-vous de retour? Quand serez-vous de retour? God rejse. Bon voyage. Jeg holder virkelig meget af at rejse. J'aime beaucoup voyager. En effet. J'aime beaucoup voyager, en effet. Jeg foretrækker at sejle frem for at flyve. Je préfère un voyage en bateau à un voyage en avion. Je préfère un voyage en bateau à un voyage en avion. En togrejse frem for en busrejse. De même que je préfère le train au bus. De même que je préfère le train au bus. En lille udflugt eller en tur ud på landet er også meget rart. Une petite excursion ou une escapade à la campagne c'est également très agréable. Une petite excursion ou une escapade à la campagne, c'est également très agréable. Vi tager ofte op i bjergene om vinteren. L'hiver, nous allons souvent dans les montagnes. L'hiver, nous allons souvent dans les montagnes. Han a rejst omkring en hel del. Il a beaucoup voyagé à gauche et à droite. Il a beaucoup voyagé à gauche et à droite. Jeg har rejst over hele landet. J'ai voyagé partout. Dans le pays. J'ai voyagé partout dans le pays. Han tog båden og hun tog toget. Il prit le bateau. Et elle prit le train. Il prit le bateau et elle prit le train. Følg med mig på min tur ned ad floden. Joignez-vous à moi lors de ma descente. Du fleuve. Joignez-vous à moi lors de ma descente du fleuve. Skal vi tage ind til byen i morgen? Montrons-nous à la ville demain. Montrons-nous à la ville demain? Rejseindtryk, rejsestipendium, rejsekammerat. Impression de voyage. Bourse de voyage. Compagnon de voyage. impression de voyage, bourse de voyage, compagnon de voyage. Rejsepenge, kuffert, rejselysten. Argent de voyage. La malle. Il adore voyager. Argent de voyage, la malle, il adore voyager. Rejseplan, rejseminder. Itinéraire. Souvenir de voyage. Itinéraire, souvenir de voyage. Fornøjelser. Distraction. Jeg vil gerne i biografen i aften. Je voudrais aller au cinéma ce soir. Je voudrais aller au cinéma ce soir. Der en virkelig fin forestilling på operan. Il y a une très bonne représentation à l'opéra. Il y a une très bonne représentation à l'opéra. Skal vi forsøge at få billetter, hvis de ikke er udsolgt? Essayons d'avoir des billets. S'il y en a encore. Essayons d'avoir des billets s'il y en a encore. Der er et interessant stykke på teateret i aften. Il y a une représentation intéressante au théâtre ce soir. Il y a une représentation intéressante au théâtre ce soir. Skuespillerne er meget kendte. Les acteurs sont très connus. Les acteurs sont très connus. Vil du med mig i botanisk have? Veux-tu venir avec moi? Au jardin botanique. Veux-tu venir avec moi au jardin botanique? Jeg vil gerne vise dig nogle sjældne planter. Je voudrais te montrer quelques plantes rares. Je voudrais te montrer quelques plantes rares. De har fået nogle meget sjældne og eksotiske dyr. Ils ont quelques animaux étrange et exotique. Ils ont quelques animaux étranges et exotiques. Som du ikke kan finde i nogen anden dyrepark. qu'on ne trouve dans aucun autre zoo. Qu'on ne trouve dans aucun autre zoo. Un cirque est venu à la ville. Un cirque est arrivé en ville. Un cirque est arrivé en ville. Clownerne er simpelthen fantastiske. Les clowns sont tout simplement magnifiques. Les clowns sont tout simplement magnifiques. På cabaret i går så jeg en tryllekunstner. Dans un cabaret hier soir, j'ai vu un magicien. Dans un cabaret hier soir, j'ai vu un magicien. Og nogle meget dygtige akrobater. Et quelques acrobates très habiles. Et quelques acrobates très habiles. Biograf, natklub, dans. Cinéma. Nightclub. Danse. Cinéma, nightclub, danse. Underholdning, forlystelse, etablissement. Amusement. Centre d'amusement. Amusement. Centre d'amusement. Fornøjelsejagt, forlystelsessyg. Chercher le plaisir. Adorer, s'amuser. Chercher le plaisir, adorer, s'amuser. Fornøjelse, scène, skuespil. Plaisir. Scène. Spectacle. Plaisir, scène, spectacle. Madlavning. Cuisine. Masser af bøger skrevet om madlavning. De nombreux livres ont été écrits au sujet de la cuisine. De nombreux livres ont été écrits au sujet de la cuisine. Og opskrifterne varierer meget fra land til land. Et les recettes varient beaucoup de pays à pays. Et les recettes varient beaucoup de pays à pays.